J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer, on tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Zik Actu, bienvenue sur RDB. Et ce soir, la musique qui nous passe tout au fond, eh ben, ça sera en partie Sylvain qui va en décider. Et oui, ce soir, c'est un spécial ping-pong. Salut Sylvain. Salut Gaël. Ça va bien ? Ça va très bien. Grosse forme ? La grosse forme, c'est ça. Impeccable. Impeccable. Ok, donc voilà, comme je l'ai dit, ce soir c'est un ping-pong musical. Les règles du ping-pong musical, c'est très simple. On passe un morceau chacun à notre tour en essayant de faire en sorte qu'il y ait un petit fil rouge, un petit quelque chose. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. On peut tricher, on peut... voilà, on n'est pas obligé d'avoir un truc très très précis. L'idée, c'est plutôt de se passer des disques et puis de se faire plaisir en se faisant découvrir la musique, parce que c'est souvent l'occasion de découvrir plein de trucs pour moi. Ouais, bien sûr, moi aussi, je pense. Et comme le veut la coutume, c'est l'invité qui choisit le premier titre. Voilà. Et alors, quel est donc ce alors titre? Alors, ce titre, c'est un groupe Medeski, Martin et Hood, c'est trois musiciens, et c'est musical. Et le morceau, c'est I Wanna Ride You. C'était Medeski, Martin et Wood. Donc le titre s'appelait I Wanna Ride You. Merci Sylvain pour cette découverte, puisque là je ne connais pas du tout. Et ça va donc être bien compliqué encore cette émission pour passer des trucs en rapport. Parce qu'on est dans un monde c'est un peu. C'est pas très grave. Bon, ouais, ça peut être un peu loin, tant pis. Tu m'en voudras pas. Non, aucun problème. On est dans un univers un peu funky. Introduire comme ça. et je connais pas trop ce délire là moi, finalement, le côté funky, mais je sais pas, je suis parti sur un groupe français de hip hop qui s'appelle Hocus Pocus, dont on a parlé quelques fois dans l'émission, avec à sa tête un leader charismatique nommé Vincile, qui a eu l'avantage de participer aussi à C2C, et du coup il y a un titre avec Ben l'oncle Soul. Donc, comme son nom l'indique, ça doit être un peu funky, un peu soul, un peu tout ça. Donc, normalement, ça doit pas être bien loin. Ça s'appelle À mi-chemin. C'est sorti sur Herbal, le dernier album en date d'Hocus Pocus. Ça date déjà de 2010. Il s'appelait 16 pièces. Et écoute, je te propose d'écouter ça. Très bien. À mi-chemin, donc Hocus Pocus. À mi-chemin entre what you think you are et what you really are. À mi-chemin entre what you think you are et what you really are. Je suis entre les mots et les lignes, les notes et les signes, les racines et la cime, l'écran tactile et la mine, le sous-sol et le prime time. Ma campagne est Paris by night. Entre le vieux pour les jeunes et le jeune pour les vieux. Entre connard et monsieur. Entre vous et tu, entre tu et vous. Le drapeau blanc et entre tu et vous. Le poinçonneur des lilas et rocking squat. Je suis juste là, entre l'oreille gauche et l'oreille droite. Entre mon home studio et Universal. Un smoking et un t-shirt sale, yeah. Entre le pote et le boss, l'artiste et le fils, l'homme et l'ex-boss, l'expert et le novice, l'introverti et le MC. Entre Sylvain et Vinci, à mi-chemin entre what you think you are et what you really are. À mi-chemin entre what you think you are et what you really are. Me voici seul dans mon lab, face à ma feuille blanche, chute libre comme d'hab et des mots comme seule branche. Louvois entre la paix et le gun, entre les hommes et Allah, entre le nombre et le 1. Alchimie couplée de taf et de fun, de graff et de feuilles, de baf et d'épreuves. Là c'est du somme dans la bouche des ministres, mon âme entre espoir et futur sinistre. Si tu voyais ces colères dans mon cœur, tu m'aimerais moins peut-être. Comprends, je t'invite au trip dans mon turf. On annonce mon heure, mais je crois qu'avant tu verras l'heure des routes au prompteur. Entre le discret, le clinquant, le brillant, je suis comme à la rue, je file pas la merde aux clients. La vie me l'a dit chill, elle est collante, surtout quand on pousse mal entre amour et mort violente. Entre le père et le fils que je suis, faire face aux tempêtes que je suis, en restant digne, accepter ses contrastes et ses rêves, qu'à la faveur de la nuit dans les étoiles on trace. Dans les étoiles on trace, on trace, on trace, on trace. À mi-chemin entre et entre et yeah. Entre et entre et à mi-chemin entre what you think you are et what you really are. À mi-chemin entre what you think you are et what you really are. Je suis entre l'être humain et les objets, entre les sillons et les octets, avant et après, avant et après, concret et abstrait, à mi-chemin entre triangle, rond, croix, carré, et pomme Z, pomme C, pomme V, entre le réel et les pixels, mon gabarit et mes sapixels, canette écarlate et thé à la menthe, et merde, déjà entre 30 et 40, un portrait entre deux toiles, un moi entre deux doigts, un choix entre deux cases, pourquoi, à mi-chemin entre Cool Chain et Bruno, Gainsbourg et Lucien, Abdoulaye et Oxmo, AKH et Philippe, Shuriken et Geoffroy, ou juste entre Vinci et moi, entre what you think you are et what you really are. À mi-chemin entre what you think you are et what you really are. À mi-chemin entre what you think you are et what you really are. À mi-chemin entre Alors, c'était donc Hocus Pocus avec le morceau, c'était À mi-chemin. À mi-chemin, voilà. Voilà, avec un featuring avec Akhenaton et comment il s'appelle, Ben l'Oncle Soul. Ben l'Oncle Soul, voilà, exactement. Et à quoi ça te fait penser tout ça? Alors, ça t'amène où? Alors, ça m'amène dans la lignée à un groupe qui s'appelle Letus. Et un morceau qui, un groupe instrumental qui, enfin assez funk, toujours un peu groove. Cool. Et voilà. Et là, qui a fait un Mister Yancey, c'est un petit peu presque hip-hop, quoi. Ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment que des icos, et du coup, ils arrivent à faire des grooves assez sympas, notamment le batteur. Ok. Voilà. Et donc, Mister Yancey de Letus. C'est parti. C'est toujours Zicactus, c'est toujours un ping-pong musical avec Sylvain et vous écoutiez Letus. Le titre c'était Mister Yancey et donc le groupe Letus, comme une laitue en anglais finalement. Voilà, exactement. Quelle idée. En tous les cas, ça groove bien. En effet, il y a un groove un peu hip-hop, on est encore bon là, niveau fil rouge. Voilà. Et bah écoute, c'est bien cool. On sent aussi une grosse assise rythmique, une importance sur le batteur, un côté bien rythmique là, ouais. Qui doit forcément te parler puisque tu es batteur. C'est ça, pour resituer le personnage. Ouais. D'ailleurs, c'est d'ailleurs un ami batteur qui m'a fait connaître ce groupe. Bah, il a bien fait. Voilà. Il a bien fait, ça a l'air super cool. Ouais. Et bah, du coup, moi, je repars sur un groupe avec un batteur aussi un peu foufou, qui s'appelle. Donc, le groupe s'appelle Flowbots. Et sur leur premier album, il y avait un morceau qui s'appelait The Rhythm Method. Donc, la méthode. Rythmique, voilà, tout simplement. On est super bon en anglais en plus. C'est ça. Et du coup, il y a un gros délire de batteur, assez rythmiquement, assez intéressant. Du coup, je te propose d'écouter ça. Flowbots, The Rhythm Method. Three, two, one. into space. Represent the dot till we're blue in the face. Breath for pressure, then tooth the paste. You know how we do in the place. The crowd accumulates when he's tuning the bass. The fiddle and guitar are removed from the case. You know it's Kenny O when it booms the chase. You know it's our music by the movement it makes. The crowd will draw the yearning and get to prove what it takes. Put your body on the dance floor, whether you're beginner or advanced or whatever you're doing, it's okay. Like this. So everyone do it your own way. Like this. Like the dude from Chappelle's show. Let it rip like Velcro. We spit non-typical flows. Like this. Mile High City and it goes like this. Like this. Like this. 3, 2, 1, 4, 5, 6. No telling where the beat might hit. Like rusted roof, bites at your mouth like a busted tooth. Attention, we paying due. We tip dot tack like a tray, you dude. Staying smooth, venue, we playing blue. When you hear the rabbit saying two, the five explain it to you. Turn to the next page when I say I follow along like A to the B to the C. Seven piece band, you gotta see to believe. Make you jump around like you needed a pee. Make noise if you wanna meet a proceed. Scream like Chewbacca, off your rocker. Drink a little vodka, link a rock. Osama Damacra, see Barack Obama. Never make for no war with Vietnam. And I don't stop, won't quit, so slip. Everybody on the dance floor, whether you're beginner or advanced or whatever you're doing, it's okay. Like this. So everyone do it your own way. Like this. Swag, get your pants warm. Transform. Wiggle the shape to this song. Like this. My High City and it's on. Like this. Like this. Like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Who's ready for some more high shit? Like an astronaut. I suppose we came to get started. Throw them bows like some angry arch. Our deliveries, pedigree, headed for the charts soon. Hit you in the heart like a heart. Like the chambers of the Wu-Tang Clan. Robots got that method, man. Wanna hang with the orangutan. Mass appeal, master bananas stand. Kenny O got the master plan to move your body like an ampersand. Rhythm section or rattle the stands. Rip sheets like we battle the clan. Average man traffic the median. We stay in the lane like we Superman. You're the dance floor, whether you're beginner or advanced or whatever you're doing, it's okay. Like this. So everyone do it your own way. Like this. Give it to you unprotected, cause the rhythm is the method. Get ready to get loud. My High City, spell it out. Bienvenue à nouveau. Donc on écoutait Flobots avec, tu me disais, Air Method. Rhythm Method. Ah oui, Rhythm Method, Method. Voilà. Method. Voilà, bon. On a laissé l'onglet. Bah je sais pas, parce que tu nous proposes quoi derrière du coup. Alors, bah, on reste toujours dans le côté un peu groove, on va dire, même, voilà. Mais c'est, le groupe s'appelle J-Love and Special Sauce. Et voilà, c'est assez blues, donc... Ça colle un petit peu, mais de loin. Mais bon, okay. le mieux, c'est d'écouter pour faire une idée. Et le morceau s'appelle Baby's Got Sauce. Voilà. C'est parti. Cooling out, waiting for my lady. Got the special sauce, that's why she's my baby. My baby, and of course I'll do anything for her. Anything she wants to show her, honey, show her. Got a short mouth, a short tongue. Give me summer, don't take the day. Give me none. You got to work and deserve it. Earn it to own it. Then what she got, so never ever gonna leave it alone. Don't take what's cracking or forget. And never been stood up, your she does the step. My baby got sauce. Your baby ain't sweet like mine. She got sauce. Your Your baby ain't sweet like mine. Your baby ain't sweet like mine. Nah, she ain't that sweet. Well, that's a funky lemonade you got growing, baby. Is it special for me? Did you make it today? Cause I always stand by if you like me to. Yeah, I'll do anything that you could ever want for me to do. A kiss for some of this, a smile and it's done. Miss, I'm your mister, my sister's your sister. My mother's your mother, father's your father. It all started when I kissed her, I missed her, dig. It was love at first sight, yo, do better when it started. I ain't broken hearted, but babe, I need some time alone with the crew. Yeah, to do the stupid things that we used to do. Upon this, she slapped me with the fire pan. Y'all, this is love, not gonna leave it. My baby got sauce, your baby ain't sweet like mine. She got sauce, your baby ain't sweet like mine. My baby got sauce, your baby ain't sweet like mine. Nah, she ain't that sweet, see. What I would do for just one look in my direction. I gave you all I have, but then you still act mad. You don't give me no attention. My baby got sauce, and of course, as a matter of course, she does what she wants to, cause she's the boss. Please don't tell my friends about the situation, cause like they think I'm on some extended vacation. Cause I don't get out to see my boys anymore. Only time I leave the house is to go into the store for some more. What she want? What she want me for? What could she want this time? Take out my words, I know she ain't even mine, ain't even mine. Believe me, what she doing night? Yo, I don't know, but baby, I could guess it ain't right. Cause she got me waiting constantly and silent to raise my voice, negotiating it. I confessed it, I'm broke like so windy argument. I shouldn't have even started it. I'm broken hearted, I can't be part of y'all. I need a taste, so I count my loss. Dig, my baby got sauce. Your baby ain't sweet like mine. She got sauce. Your baby ain't sweet like my mine. My baby got sauce. Your baby ain't sweet like mine. She got sauce. She got sauce, she got sauce, she got sauce. Your baby ain't sweet like mine. Ain't so sweet like mine. Ain't so sweet like mine. Ain't so sweet like mine. She ain't so sweet, yeah. She got it. Yeah. C'était J-Love and Special Sauce. Baby's Got Sauce, on est dans le côté, ouais, un peu bluesy, funk, soul, je sais pas quoi. C'est ça. Mais c'est ouais. Bon, c'est bien. Mais par contre, du coup, c'est quoi le lien avec le morceau d'avant? Alors, c'était oui. Quoi déjà? En fait, de loin, c'était la caisse claire. La non, caisse claire. Est-ce que ce groupe. Ouais, voilà. Je trouve, enfin, il a un son de batterie assez particulier, une caisse claire un peu comme ça là, qui résonne. Et ça me faisait penser au son de caisse claire de Flobot. Voilà. Très bien. Non, mais ça se tient voilà. Complètement. J'aime beaucoup ce genre de lien. Ça sera des liens batterie, de toute manière, ce soir. C'est ça qui est bon. C'est bien, un avis de spécialiste. Moi, je vais passer un morceau, mais est-ce que le lien, il est évident? C'est pas non plus facile. Je pensais à un groupe qui s'appelle Nars Barclay, que tout le monde connaît grâce à ce titre Crazy. Je suis sûr que vous connaissez si ça veut bien passer derrière. Voilà, ça tout le monde connaît. Et du coup, sur cet album, il y avait deux trois titres un peu fous. Il y avait notamment un titre que j'aimais bien qui s'appelait The Boogie Monster. On l'écoute tout de suite. Let me get in the sleep. Just let me sleep. I got a C'était donc Gnarx Barclay, le morceau The Boogie Monster. The Boogie Monster, voilà. Alors, encore un lien très lointain. C'est quoi, cette fois, c'est la grosse caisse? C'est la... Non, pas vraiment. En fait, là, je repensais à Flobot, c'est au côté foufou. Voilà, et comme tu as annoncé le morceau un peu foufou, je pensais à un groupe un peu foufou aussi, qui s'appelle Dirouf. Et ouais, là, ça y est, je reconnais hein, enfin les morceaux. Un groupe dont tu parles, c'est cool. Dirouf, voilà. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais c'est en effet un groupe de ouf. Et ouais. Je pense que j'en parlerai dans une prochaine émission parce qu'ils viennent de sortir un nouvel album aussi. Oui, voilà ce qu'on voyait d'ailleurs. Moi je... Donc c'est sorti le 29 janvier, ça s'appelle, il y a des chiffres, Fever 12, 16, 14, un truc comme ça. Et là on va remonter un peu en arrière du coup avec un album qui s'appelle Friend Opportunity. Voilà. Et qu'est-ce que tu nous proposes de beau? Le premier morceau de l'album qui s'appelle The Perfect Me. Cool. Voilà. Ouais, donc on est bien dans le délire cassure rythmique avec des rythmes à 7 temps, à 3 temps. À... Ouais, et puis il y a quand même une bonne énergie aussi. Et du coup, un tout quand même assez mauvais. Et bah c'est parti, alors dis ouf. No family. You open. C'était Dirouf avec Meet Me, Meet the Perfect Me. Et un morceau bien délire et un groupe bien perché et qui s'est bien renouvelé au fil des albums. Je sais pas si t'as suivi jusqu'à récemment. Et non, justement, c'est pour ça que c'était intéressant. Non, du tout. Bah, pas le dernier en tout cas. Et je crois celui un petit peu après. Celui qu'on vient d'écouter. Ouais, moi c'est pareil. J'étais plutôt dans cette période-là aussi. Et, mais bon, ils sortent régulièrement des albums. Et alors, je jette toujours une oreille et c'est toujours très très différent. Ouais. Ils sont des fois dans des délires complètement fous. Enfin, des albums concept quoi, autour d'une idée. Et des fois, ils vont très très loin dans leur idée. Il faut arriver à les suivre. Il y a certaines idées que j'ai à côté desquelles je suis passé et du coup, j'ai un peu du mal à raccrocher les wagons de ce groupe. Mais c'est quand même un groupe exceptionnel. Quoi. Ouais, c'est sûr. Dirouf, c'est à regarder en vidéo aussi. Je sais pas si t'as eu l'occasion. Oui. Si, justement, j'y pensais par rapport à ce morceau aussi. Où il y a... j'ai peur de confondre parce que ça me fait penser aussi à un morceau de Chemical Brothers où il y a le batteur qui est dans un tout petit espace de toilette et il enregistre comme ça. D'accord. Pour le clip, et il me semble que dans ce clip-là, c'est la même chose. Le batteur est dans un espace confiné et il frappe comme ça. Eh bien, nos fidèles auditeurs vérifieront sur YouTube en tapant Perfect Me Dirouf et en regardant le clip. Du coup, moi, ça m'a. Enfin, voilà, on est toujours un peu dans un délire de batteur quand même. Parce que le batteur de Dirouf est quand même exceptionnel aussi. Avec peu de choses, si je me rappelle bien, il a vraiment 4 éléments de batterie, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il a ? Une grosse caisse, une charlet, une cymbale. Ah oui, je crois que c'était ça. Ouais. C'est assez fou. C'est vraiment la manière de construire le rythme, quoi. Et je crois qu'il est vraiment leader dans le groupe aussi. Il est vraiment à la base des idées musicales, si ma mémoire est bonne. Bon, enfin, je ne vais pas trop m'avancer. on continue du coup avec un groupe encore complètement fou. Alors là, le leader, ce n'est pas le batteur, mais par contre, sa avoine, c'est incroyable. Ça joue incroyablement bien. C'est pareil, il faut regarder en live aussi. Ça s'appelle The Mars Volta. Et du coup, j'en profite pour passer l'album le plus récent, qui s'appelle Nocturnique. Voilà, c'est joli tout plein. Et je crois qu'ils sont portoricains, et donc je parlais du leader, pardon, je suis pas allé au bout de ma phrase. C'est surtout les deux frontmen, c'est-à-dire le chanteur et le guitariste, qui étaient aussi dans At The Drive-In, qui est un groupe excellent, qui se reforme d'ailleurs, je crois. Alors ça. Et si. Et je crois. Voilà, c'est pareil. Je sors des infos des fois, il faudrait que j'ai des sources, quoi. J'ai vu passer des trucs. Et donc At The Drive-In, qui était vraiment un groupe excellent aussi, refont un album, il me semble, à vérifier. Et donc là, c'est Nocturnique, c'est le groupe de Mars Volta, et la chanson s'appelle Aegis. We'll be right back. Écoutez donc Mars Volta avec le morceau Aegis. Donc et c'est excellent. Voilà. Je sais pas, je crois que toi comme moi on en parlait en antenne, on est passé un peu à côté de des albums des deux derniers albums quoi, quelque chose comme ça. Et celui-là donc c'est le dernier album, ça date de 2012 et c'est super bon, il y a des formats plus courts dans l'album, on regardait, c'était plutôt autour de 4-5 minutes et que c'est quand même un groupe très perché, ça peut durer 16 minutes, il peut y avoir à peu près 5 minutes passées à l'envers par exemple, il peut y avoir des coupures qui ressemblent à rien, donc c'est un groupe qui est pas forcément évident d'accès et ce titre a l'air plus facile, un peu comme leur premier album Dilous in the Crematorium si ma mémoire. Ouais, c'est ça que effectivement. Et donc At the Drive-In se reforme bien, j'ai pas dit n'importe quoi, pour 2016 il va y avoir une tournée et certainement des nouveaux albums. Voilà, pour les fans d'At the Drive-In. L'info a été vérifiée. C'est voilà. Et donc on va où ? Alors on va où ? Bon bah toujours on va c'est pas direct mais du coup ça me faisait penser à un groupe, je pensais peut-être le côté vocal mais à écouter. Bon, qui est assez connu en ce moment, qui s'appelle Rival Sons, et le morceau s'appelle Pressure and Time. Hunger's got a way. C'était Rival Sons avec Pressure and Time. Ça date de quand alors ? Alors celui-là, il me semble qu'il est relativement récent cet album. Je crois que c'est le dernier, mais voilà, à vérifier parce que j'ai un doute. En fait, je connais depuis peu. C'est un copain pareil du Chellard qui m'a fait découvrir ce groupe. Écoute, c'est super voilà. Bien. Ça, on sent un peu le côté Black Keys aussi. Ouais, de toute façon, dans la veine rock, dans cette veine-là, un peu bluesy là, cette veine, lourd. Quoi. Assez sale aussi, ouais. Pressure and Time, c'est 2011, ça. Ouais, donc c'est pas le dernier. Voilà. Il y en a encore oui, y en avait pas mal. Deux derrière. Voilà, le dernier doit dater de 2015. C'est ça, Great Western Valkyrie. Okay. Et écoute, non, c'est très bien, je connaissais pas. Et ouais, c'est bien dans un bon délire. Donc forcément, ça fait penser aux Black Keys. Mais du coup, il y a un groupe que je voulais passer aussi, dont j'ai pas eu le temps de parler, qui s'appelle The Dead Weather. C'est un groupe, un super groupe avec plein de stars à l'intérieur. Il y a notamment Jack White, donc des White Stripes. Avec, oui. Il y a aussi un membre de Queen of the Stone Age, un membre des Raconteurs, dans lequel officie aussi Jack White, et surtout une chanteuse qui était dans un groupe qui s'appelle The Kills, et qui a un peu enchaîné les deux. Du coup, après The Kills, elle est dans The Dead Weather, et elle s'appelle Alison Mozart. Et donc ils se partagent le chant entre du coup Jack White et Alison. Et du coup je te propose qu'on écoute ça, un extrait de leur dernier album. C'est sorti en 2015, j'en ai pas parlé, donc c'est l'occasion. Ça s'appelle I Feel Love Every Million Miles, et c'est les Dead Weather, issus de l'album Dodge and Burn. Alors c'était les Dead Weather avec le morceau I Feel Love. Voilà, donc le groupe de Jack White, un des groupes de Jack White. Et ouais, c'est ça qui est un peu fou avec ce gars-là, c'est qu'il est, partout. Ouais. Là, du coup, qu'il chante pas vraiment, si oui, ça voit derrière peut-être. Je sais même plus. Ok. Bon, même au niveau guitare, je sais pas dans ce groupe s'il est batteur ou guitariste en fait. C'est, ouais. Ce qu'il fait les deux lui. Oui, c'est ça. Okay. Il sait un peu tout faire. Et ouais, on en parlait. Jack White, il est partout en fait. Il est dans The Raconteurs, c'est donc évidemment dans White Stripes. Je sais pas exactement où ils en sont, mais il sort des albums aussi à son nom, vraiment juste Jack White, qui sont très très bons aussi. Je crois que j'en avais passé ça par contre. Et tu parlais d'un autre groupe dont on n'a pas trop entendu. Voilà, mais avec Orsis dedans, il me semble. J'ai un vague souvenir. Et il est aussi, il dirige aussi un label. Et donc il sort plein d'artistes quoi. Assez actif quoi. Comme bonhomme. Ouais, carrément, vraiment une figure clé de la musique indé américaine. Et donc tout ça pour en arriver à un autre groupe qui s'appelle The Thermals. Voilà, alors bon, le morceau en question est tiré d'un album de 2006, mais ils sortent encore des choses aujourd'hui. Voilà, c'est rock. Bon, là on va rester sur quelque chose de rock, on va très dire bien, que le film parle là-dessus. C'est cohérent, puis il y a The aussi dans le titre. Voilà, c'est ça, c'est des groupes de rock avec The, donc The Thermals. Ça paraît hyper cohérent. Et le morceau s'appelle Here is Your Future. Reached his hand down from the sky. He blooded the lamb and he set it afire. He said, "Fear me again. No, I'm your father. Remember that no one can breathe underwater. So bend your knees and bow your heads. Save your babies, here's your future. Yeah, here's your future. God reached his hand down from the sky. God asked Noah if he wanted to die. He said, no, sir. Oh, no, sir. God said, here's your future. It's gonna rain. Avec Here's Your Features Future. Bon, voilà. Vous chercherez, vous retournerez sur le site pour retrouver voilà, tous les noms. C'était dans la BO en fait d'une série que Weeds qui passait à un moment. Voilà. D'accord. Donc, très bien. Je pense qu'il y a plusieurs morceaux qui ont été mis dans la série. Ok. Ouais. Et ben ouais, écoute, c'est très bien. Ça, je connais pas. Il y a un truc qui vient de sortir, donc ça sera peut-être l'occasion d'en parler aussi dans la prochaine émission sur l'actualité dans Zik Actu. Merci pour cette découverte. Et bah écoute, c'est presque la fin. Bah voilà, j'espère en tous les cas que t'as passé un bon moment. On va en profiter pour dégrossir un peu, faire un débriefing. Bah ouais, c'est ça. Non mais très, très sympa. Ça, on se disait, c'est déjà la fin et c'est vrai que ça passe super vite. En fait, ce que j'aime bien dans ce concept-là, je sais pas si ça te parle, mais au début où il y avait Deezer qui était gratuit, je sais pas si tu te rappelles cette période il y a une dizaine d'années. Où Deezer était gratos, il n'y avait pas de pub et c'était la folie quoi. On passait les soirées à se faire écouter des trucs. C'est ça. D'un coup, toute la musique devenait accessible, gratos, comme ça, n'importe où. Ouais, exact. C'était magique. Et maintenant. Tout le monde préparait la playlist. Voilà. L'une à la suite des autres. Et c'est, il y en avait pour 24 heures de playlist. C'est et ça. Puis. Et bon, des sites ont suivi derrière en gratuité. Par contre, il n'y a pas eu autant d'affluence que Deezer, mais ouais. Bah en fait voilà, il y a toujours Deezer, Spotify qui sont à la tête de ce truc là et on n'en a plus ce côté gratos qu'on avait. Ils nous ont bien appâté au début et maintenant faut payer, mais je crois que ça vaut le coup quand même. Oui. Mais il y a eu un gros changement à cette période là d'avoir toute la musique en accès et du coup de pouvoir se partager comme ça des titres. Il y a pas plus besoin de les avoir en CD. Bon, ça fait un peu vieux con ce que je dis. Non, ça permet de découvrir plein de groupes de ce côté là comme tu dis. Ouais. Non, c'est magique, ouais. Et du coup ben je rebondis, enfin on rebondit tous les deux avec un dernier morceau. C'est bien qu'on choisisse ensemble comme ça. On profite encore de tes connaissances musicales, parce que pour être honnête, je suis pas un spécialiste de ce groupe-là. Ce groupe-là, c'est les Rolling Stones, tout simplement. Moi, je serais voilà. plutôt ceux d'en face, les Beatles. Mais d'accord. Oh, moi, j'aime bien tout. Bon, après, tout est bon. Hein. Mais après, voilà, c'est des périodes, de toute façon, parce qu'ils ont fait beaucoup d'albums, les deux groupes. Et puis, bon, je pense, enfin, moi, personnellement, tout n'est pas bon. Enfin, j'ai apprécié les goûts. Voilà. Oui, le début des Beatles, moi, je suis pas hyper fan du rockabilly, du délire rockabilly, mais et oui, non, mais très bien. Mais il y a des choses intéressantes. Et là, c'est un album un peu qui est plus ou moins, enfin, comment dire, oui, concept cet album. D'accord. Ça s'appelle l'album s'appelle Their Satanic Majesty's Request. Voilà. Et du coup, tu veux nous faire écouter quel titre? Alors, le titre s'appelle Citadel. Voilà, c'est un titre que je t'ai proposé, mais c'est comme. Oh, c'est très bien. C'est très parti. Bien. Citadel, c'est The Rolling Stones. C'était donc les Rolling Stones avec le morceau Citadel. Voilà. Et ben c'était très bien. Des rock and roll des années 67. Ouais, et finalement, tu vois, on passe de trucs récents à des trucs des années 60 assez facilement. C'est ça qui est bien, vu que tout recommence perpétuellement. À part la production qui forcément vieillit un peu. Qui change, mais mine de rien, voilà, ouais, y a quand même des trucs. Même là, finalement, en 67, il y a quand même déjà un son. Un tout quoi, une énergie. Qui... Ah ouais, carrément. Puis ouais. La production intéressante là-dessus, ouais. On se disait ça, c'est qu'il y a quand même un côté, finalement un peu comme les Beatles à la même période, un côté on s'amuse en studio, oui, c'est ça, on va rajouter des trucs, on va bidouiller et puis on va se faire plaisir. Ça le fait carrément. Et bien écoute, en parlant de studio, puisque je te tiens, tu n'es pas que batteur, tu es aussi producteur, ingénieur du son et réalisateur d'albums. Oui, ouais. Enfin, home studio autodidacte, mais ça regroupe tout ça, ouais. Bon, mais cool. Et du coup, tu bosses sur un projet particulier en ce moment ? En ce moment, oui. C'est marrant que tu m'en parles. Bah oui, tiens. Je travaille sur... Non, oui, enfin, on est en train de terminer l'enregistrement d'un album pour un groupe qui s'appelle Les Gueules Noires, un groupe d'Annonay, donc Nord-Ardèche. Les Gueules Noires. Ah, Les Gueules Noires, d'accord. Les Gueules Noires, voilà. Je croyais que c'était moitié de l'anglais, moitié du français. Non, c'est Les Gueules Noires. D'accord. Non, Les Gueules Noires, voilà, donc... Et donc c'est toi qui fais la production, qui a fait les prises de son, etc., le mixage et puis et la production. Et ben ouais, vu que c'est en cours, on peut pas faire écouter ça tout de suite, mais dès que c'est fini, tu m'envoies. Voilà. Super. Bon ben. Avec plaisir. C'était un vrai plaisir. Et comme le dit cette petite musique que vous entendez. Mais tant mieux. Que vous entendez en fond, c'est la fin. This is the end. J'espère que cette émission vous a plu. C'était un spécial ping-pong avec Sylvain. Merci encore Sylvain d'être venu et de t'être prêté à ce jeu. Avec plaisir. Et ben écoute, tu reviens quand tu veux, et vous très chers auditeurs, vous venez aussi quand vous voulez, parce que c'est toujours un plaisir de découvrir vos passions, qu'est-ce que vous écoutez, parce qu'en fait finalement je n'y connais rien en musique, et quand je me rends compte que quand on fait des ping-pong, il y a la moitié des trucs que je ne connais pas. Donc c'est vraiment un gros avantage. Et ben voilà, encore merci à toi Sylvain, je vous souhaite une bonne fin de semaine à toutes et à tous à l'écoute de RDB, et à la semaine prochaine.